Peut-être juste pour rebondir, effectivement, j'imagine dans le cadre d'une recréation, d'une reprise d'une pièce, il y a le document partition, mais également d'autres sources, des photos, des textes, critiques, descriptifs, des vidéos. Comment, du coup, par rapport à ces sources multiples, quelle est la place de la partition ? Est-ce qu'elle fait autorité plus qu'une vidéo ? Comment on compose pour remonter une pièce à partir de ces sources multiples et peut-être contradictoires à un moment où... Oui, effectivement, il y a des contradictions. Il y a plein d'exemples de situations différentes. Alors, la partition chorégraphique, en principe, une vidéo, une captation vidéo d'un spectacle un soir, je ne sais pas, il y a un danseur qui était malade, il y a un danseur qui a raté une sortie, il y a un danseur... En fait, il y a plein d'éventualités et même des interprétations différentes. Normalement, la partition chorégraphique donne la parole du chorégraphe. Quand on note, on ne regarde pas les danseurs, on regarde le chorégraphe, on va dire qu'on ne quitte pas les cieux. On note sa demande, l'idéal, son idéal. Oui. Après, si le danseur il arrive à faire une bonne ou une mauvaise interprétation, ça, quelque part, ça ne regarde pas. Donc, on fait confiance à la partition. En principe, c'est la parole du chorégraphe. Donc, c'est très important d'avoir des autres supports. Et souvent, on connaît on sait si le chorégraphe il aimait ses danseurs ou pas. On a plein d'informations. Mais tout le reste des éléments vont enrichir la partition. En principe, en fait, c'est notre base. C'est notre support principal. Oui. En fait, si la partition chorégraphique continue à être utilisée aujourd'hui, donc c'est parce qu'elle transmet de façon plus précise et plus fidèle la vision du chorégraphe et pas l'interprétation particulière d'un danseur. Mais justement, vu la facilité peut-être plus grande que permet la vidéo, est-ce que c'est quand même pas la vidéo ne concurrence pas en quelque sorte la notation avec Alors, on a fait plusieurs expériences. Il y a Françoise et Dominique Dupuis, qui c'est des pionnières, merci, qui ont fait plusieurs expériences autour de ça. Donc, on a eu une semaine dans laquelle on a travaillé sur les souchets. Il y avait des transmissions à travers des supports différents. Oui, donc ils savaient par exemple diviser la scène avec des rideaux, donc les personnes ne se voyaient pas les uns et le public voyait tout le monde. Il y avait un groupe de danseurs qui apprenaient de la vidéo, il y avait quelqu'un qui faisait la transmission d'après une partition chorégraphique, il y avait un ancien danseur de la compagnie qui enseignait aussi la pièce. Donc on avait le tout en fait, ou plusieurs expériences. Et justement, personnellement, j'arrivais à la conclusion, en fait, les résultats, ils étaient quand même différents. Une danse plus... Dans un certain cas, on n'avait que le squelette. Dans certains cas, on avait le squelette et l'âme. Et les résultats, ils étaient quand même assez différents. Et personnellement, je pense que ça dépend absolument des objectifs à atteindre. Si on veut qu'un danseur travaille la rapidité d'apprentissage, l'observation, ça dépend des circonstances aussi. Voilà, on va apprendre différents supports d'après l'objectif. C'est ma façon de voir les choses. Après, par exemple, il y a des compagnies qui ne peuvent pas... qui ne disposent pas du temps nécessaire, donc ils vont apprendre la vidéo parce qu'ils n'ont pas le choix ou n'ont pas le moyen. Ça dépend aussi du contexte dans lequel on travaille. Mais à mon avis, il n'y a pas de concurrence. Bon, dans mon travail de transmettre des pièces très anciennes, par exemple, par rapport à mon objectif, donc... transmettre ces pièces avec avec les fondamentaux de cette danse, au respect de l'œuvre, je choisis le support de la partition qui me paraît le plus complet et le plus... Ouais, non, je réfléchissais. Parce que avant de commencer ma formation, je disais, mais il y a la vidéo de nos jours, qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à faire ça? Parce qu'il faut savoir que c'est très long. Hein, pour noter une minute de danse, il faut beaucoup d'heures de travail. Bon, ça dépend quelle minute de danse c'est. Donc, pourquoi faire ça? On filme et puis c'est tout, quoi. C'est fini. Sous plusieurs angles. Et en fait, pour avoir travaillé donc, la même chorégraphie d'après partition ou d'après vidéo, je trouve que c'est l'entrée partition est moins formelle que l'entrée vidéo. C'est déjà c'est à plat une vidéo, donc spatialement c'est pas toujours très clair, et on est plus dans une forme, dans reproduire une forme, même si après on arrive à capter les qualités qu'il faut, mais on est plus, tout de suite dans une autre sensation quand on passe par la partition, dans une sensation vraiment corporelle, une expérience du mouvement et qui s'inscrit directement dans un espace. Donc pour moi c'est beaucoup plus clair. Il y a aussi, personnellement, je pense, une question d'efficacité. Quand on regarde une vidéo et la personne qui a créé la pièce n'est pas là, ou un ancien danseur, ou quelqu'un qui a traversé cette pièce à travers le corps, on voit les mouvements et on ne sait pas comment arriver précisément à cet état de corps et à faire ces mouvements-là. La partition nous donne tout de suite ses clés et la façon précise dont le chorégraphe voulait qu'on arrive là. Est-ce qu'on peut dire que finalement, avec la partition, on a d'abord une intériorisation, une appropriation qui passe ensuite par l'expérience et qui donne la forme, alors qu'avec la vidéo, on est plutôt dans une forme d'imitation qui passe ensuite par une intériorisation. Donc le chemin serait un peu inversé, est-ce que c'est ce que vous disiez ? Moi je pense, alors après ça correspond, il y en a qui préfèrent, des danseurs qui préfèrent complètement passer par la forme avant d'arriver à l'intérieur, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, et il y en a d'autres qui préfèrent voilà, passer par autre chose pour arriver à une forme. Peut-être c'est l'équivalent en musique de déchiffrer une partition d'une ligne musicale qu'on n'a jamais entendue, et donc de la découvrir à mesure qu'on la déchiffre, plutôt que d'entendre un air et de l'apprendre.